Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver le samedi et dimanche pour cette émission. Et aujourd'hui, je vous propose un peu de Plati pour commencer. Giovanni Benedetto Plati, 1697-1763. Vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de faire connaissance parce que c'est un musicien que moi je trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, de son temps, il était très très connu. Évidemment, c'est encore un vénitien, parce que Venise était le centre musical de l'Italie et même, on peut le dire, de l'Europe, hein. Alors, il y avait beaucoup de compositeurs importants là-bas, dans la Sérénissime République, avec Albinoni et bien sûr Vivaldi. Et puis Plati, qui était très très apprécié. On va écouter l'un de ses concertos pour clavecin, concerto en sol, le premier mouvement, joué au clavecin par Roberto Loreggian. Et il est entouré de l'Arte dell'Arco, que dirige Federico Guglielmo. Thank you. Alors ça, c'est un des plaisirs que j'ai à faire cette émission, c'est de proposer des œuvres que j'adore et qui sont pas connues. Et j'espère que vous partagez eh bien, mon plaisir d'écouter cette musique, hein, musique de Giovanni Benedetto Plati, qui n'est pas très très connu, il faut le dire. Hein. Et c'était joué par Roberto Loreggian au clavecin, et l'ensemble Arte dell'Arco était dirigé par Federico Guglielmo, qui était le premier violon, qui dirigeait l'orchestre, et c'est un disque du label CPO, qu'il faut souligner d'ailleurs, parce que, présenter, parce que ce label CPO fait un travail remarquable autour des compositeurs méconnus, avec en plus une jolie présentation sur la pochette. On continue avec des terres, sur des terres plus connues, c'est Bizet et l'Arlésienne, une musique de scène pour un drame d'Alphonse Daudet, l'une des œuvres les plus célèbres de Georges Bizet. Alors l'Arlésienne, bien évidemment, c'est celle dont tout le monde parle mais que personne ne voit. L'expression est passée d'ailleurs dans le langage courant, hein, quand on dit l'Arlésienne, c'est un peu ça. Et c'est une fille de la ville dont est tombé amoureux Frédéric, un garçon qui vit en Provence, derrière Arles, dans la campagne. Et bon, cet amour va le détruire, et il finira par se suicider. Et bon, on peut voir déjà dans l'Arlésienne, qui n'est pas présente dans l'œuvre, eh bien une préfiguration quelque part de Carmen, la femme fatale. Voici la célèbre farandole où Bizet réunit le thème de la marche des rois, un thème personnel, et ça donne un contrepoint extraordinaire. Voici cette farandole de l'Arlésienne de Bizet, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, que dirige Claudio Abbado. Thank you. une interprétation de référence, hein, Claudio Abbado à la tête du Philharmonique de Berlin, la farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet, magnifique. Hein. Et voici un autre compositeur du 19e siècle, et c'est Franz Liszt. Ah, il y a longtemps que j'ai pas passé du Liszt. Hein. Donc j'avais envie de revenir à ce compositeur que j'adore, bien évidemment. Liszt et son caprice poétique, un sospiro, un soupir, mais le sous-titre n'est pas de Liszt lui-même. Une pièce ultra-romantique qui date de l'époque où Liszt est en fuite avec sa maîtresse. Oh, il n'est pas parti bien loin, il est parti en Suisse, mais enfin bon, à l'époque, au 19e siècle, c'est déjà presque le bout du monde. Marie Dagou, bah oui, elle était mariée, mère de famille, et Liszt l'a enlevée à son mari. Bah oui, ça avait créé un petit scandale quand même à Paris. Hein. Et donc, bah, pour vivre tranquillement leur amour, les tourtereaux étaient partis en Suisse, et ce voyage va nous valoir des pièces extraordinaires de la part de Liszt, notamment ce Caprice. On va écouter, qui date de cette époque-là, peut-être pas du voyage en lui-même, mais de l'époque de Marie Dagou en tout cas. Du voyage en Suisse, il nous ramènera bien sûr la première année de pèlerinage. On va écouter donc ce Caprice joué par un grand spécialiste de Liszt, Jorge Bolet, pianiste chilien. On l'écoute tout de suite. Voilà, c'était le caprice poétique Un sospiro de Franz Liszt, joué par Jorge Bolet. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Fadjet pour votre magazine classique, Discothèque Classique. Et on va continuer avec Paganini, qui lui aussi a écrit, bien sûr, des caprices, 24 caprices pour violon seul, et qui fut une sorte de modèle pour Liszt. Pourquoi ? Eh bien parce que Paganini avait l'habitude, lorsqu'il donnait un récital, de se mettre en scène en quelque sorte. Déjà, son apparence était en soi un spectacle, hein. Un monsieur très grand avec des longs cheveux bouclés, très minces, sveltes, et puis des boucles d'oreilles, et puis donc un visage très creusé et une virtuosité incomparable, hein. Vous savez qu'on dit toujours que le violon, c'est l'instrument du diable, et beaucoup pensaient que Paganini était habité par le diable et peut-être même le diable lui-même pour jouer aussi bien du violon. Il a marqué son temps, en tout cas, pour le violon. Hein, et c'est évidemment un élément essentiel de l'histoire du violon que Paganini. Hein. Donc, Liszt a eu envie un peu de s'inspirer des récitals de Paganini. Et il est le premier, par exemple, à avoir mis les pianos de profil pour qu'on voit les mains, pour que le public voit l'agilité des mains sur le clavier, comme on pouvait être ravi par la virtuosité des doigts de Paganini sur le violon. On va écouter une pièce de Paganini qui s'appelle « Mouvement perpétuel », qui ne s'arrête jamais, c'est pour ça que cette pièce a ce titre, mais avec des arrangements quand même, quelques petites notes de Beethoven qui sont glissées ici ou là par le chef d'orchestre Frédéric Stock, qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Chicago au début du XXe siècle et qui s'est amusé donc à arranger en quelque sorte ce mouvement perpétuel de Paganini. Et je suis sûr que ça aurait beaucoup plu à Paganini, ça l'aurait beaucoup amusé. Thank you. Ça aurait pu continuer, hein, puisque c'est un mouvement perpétuel de Paganini avec quelques apports du chef d'orchestre Frédéric Stock. C'était joué par l'Orchestre symphonique de Chicago que dirigeait Jean Martinon. Et l'Orchestre de Chicago, on va le retrouver avec l'un de ses autres directeurs musicaux, c'est Sir Georg Solti qui a enregistré énormément d'opéras. Et on va retrouver Solti dans Otello de Verdi. Alors, Otello, c'est l'avant-dernier opéra de Verdi et le premier qui s'échappe radicalement de son style antérieur. Une orchestration luxuriante, des audaces dans l'harmonie et rupture de l'alternance récitatif-air. Bref, tout ce qui avait fait jusqu'alors le succès de Verdi semble transcender pour atteindre dans Otello une nouvelle dimension dramatique. Alors, on va écouter le début de l'opéra. Le valeureux guerrier mort Otello, qui est au service de Venise, est de retour à Chypre parmi les siens après avoir remporté victorieusement la guerre contre les Sarrasins. Et il y a une grande scène où bien le public attend le héros sur le quai du port. Et ben c'est cette scène qu'on va écouter, donc le début d'Otello de Verdi, Luciano Pavarotti, l'Orchestre symphonique de Chicago et le chœur, dirigé par Sir Georg Solti. Tremolone, tremolone, tremolone. C'était le tout début d'Otello de Verdi. On entend un peu hein, la voix de Luciano Pavarotti à la fin. Bon. Et c'était le chœur et orchestre symphonique de Chicago, direction Sir Georg Solti. Toujours à l'écoute de Discothèque Classique, votre magazine classique sur Fadjet. Et on continue avec quoi ? Ben on continue avec un peu de Mozart. Un motet, Ave Verum Corpus, l'une des dernières partitions de Mozart, composée au printemps 1791. On sait qu'il allait mourir au mois de décembre. Et en fait, à cette époque-là, Mozart lorgne sur le poste de Leopold Hoffmann. C'est un compositeur que l'on joue encore aujourd'hui, qui a composé des superbes concertos pour violoncelle, ce que n'a pas fait Mozart. Et donc, ce Hoffmann, il est maître de chapelle à Saint-Étienne, la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, la grande cathédrale. Et évidemment, quand Mozart apprend que Hoffmann est très malade, il aimerait bien prendre sa place. Donc, il va composer ce motet pour un peu montrer que lui aussi s'est composé de la musique sacrée, alors qu'il n'avait rien composé dans ce genre depuis la grande messe en ut mineur, qui remontait quand même à plusieurs années. Et puis, finalement... Mozart va mourir au mois de décembre et Hoffmann va lui survivre 2 ans. Voici ce motet très célèbre, Ave Verum Corpus, Köchel 618 de Mozart, chanté par l'ensemble de chœur, le chœur de chambre néerlandais, et la petite bande est dirigée par Sigiswald Quischken. Thank you. Belle interprétation de ce motet très célèbre, Ave Verum Corpus de Mozart, que Köchel 618, pour être précis, chanté par le chœur de chambre néerlandais, la petite bande, ensemble spécialisée sur la musique baroque, était dirigée par Sigiswald Quischken. Alors, hier, je vous ai présenté un disque qui est paru récemment et qui est consacré à des improvisations de Clara Ponti sur des thèmes de Handel. Formidable pianiste d'ailleurs que Clara Ponti, c'est paru chez Neo Classics. Alors on va réécouter un extrait de cet album magnifique qui bien réinvente la musique de Handel de manière, comment dire, très presque romantique. Moi j'adore. En tout cas, c'est un bon moment de piano. Je vous propose Sweet Jig, joué donc par Clara Ponti, extrait de son album Handel réimaginé. Thank you. Ah, c'était très en vogue au début des années 70, ce style néo-baroque teinté de couleurs romantiques. On se souvient du titre Waiter Shade of Pale de Procol Harum, ou encore de la musique néo-romantique baroque de Saint-Preux. Là, c'était la musique de Clara Ponti, d'après Handel, Sweet Jig, extrait de son album paru chez Neo Classics. Voici maintenant du baroque authentique, si je puis dire, avec Telemann, Georg Philipp Telemann, concerto pour violon, un disque paru l'an dernier que j'ai trouvé absolument remarquable. Isabelle Faust, toujours très très bonne Isabelle Faust, dans tous les répertoires d'ailleurs, parce qu'elle aborde aussi bien le grand concerto que la musique baroque. Et l'Académie für Alte Musik Berlin, dirigée par Bernhard Fork. On va écouter un extrait d'un concerto pour violon, trompette et cordes de Telemann. Isabelle Faust, magnifique violoniste, et son disque est paru chez Harmonia Mundi. Thank you. Allegro du concerto pour violon, trompette et cordes de Telemann avec Isabelle Faust, le trompettiste Ute Harwitsch. Bah, il n'y a pas de raison de ne pas dire son nom. Isabelle Faust, elle est violoniste bien connue, et l'Académie für Alte Musik Berlin. Alors, si vous voulez avoir les références, le titre d'un morceau, les références d'un disque, nous faire part de vos louanges, ça serait sympa. De vos reproches, ce serait moins sympa, eh bien, vous pouvez aller sur la page de l'émission Radio Fadjet Discothèque Classique et nous envoyer un petit message ou suggérer, pourquoi pas, des œuvres que vous avez envie d'écouter, des interprétations. Voilà, donc Discothèque Classique, Radio Fadjet Discothèque Classique, en principe, ça marche. Hein. Allez, on continue, on reste dans les cordes avec le Quatuor à cordes opus 59 numéro 2 de Beethoven, dit Razumovsky. Pourquoi Razumovsky? Eh bien, c'était le nom de l'ambassadeur de Russie à Vienne, qui était un grand amateur de musique. Il avait connu Haydn, il avait connu Mozart, et il va connaître Beethoven. Lui-même tâtait du violon, et donc il jouait parfois des quatuors à cordes. Voici le final presto du Quatuor opus 59 numéro 2 de Beethoven par l'excellent Quatuor Artemis. Thank you. Beethoven, Quatuor numéro opus 59 numéro 2, dit Quatuor Razumovsky, interprété par le Quatuor Artemis. Et on va terminer l'émission avec Wagner, une page que tout le monde aimerait écouter. Et évidemment, la chevauchée des Valkyries, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Claudio Abbado. J'ai bossé des Valkyries de Richard Wagner, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Claudio Abbado. Bien voilà, c'est terminé pour ce week-end. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, samedi et dimanche, pour de nouvelles émissions de discothèque classique sur Radio Fadjet 94.2, le samedi et le dimanche, donc de 11h à midi. Excellente journée, excellent dimanche, excellente semaine et à très très bientôt, j'espère.